Salut, vous êtes bien sur la messagerie du Soufa. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais n'hésitez pas à gester après le bip sonore. J'étais amoureux d'Amélie, elle me semblait si calme. Elle est discrète et timide, c'est tout ce qui fait son charme. Pour elle, je serai sérieux, surtout qu'elle est si belle. Elle me dit qu'on sera heureux si je reste fidèle. Mais elle, bizarrement, beaucoup de gars frappent à sa porte. Et quand je lui demande, elle me dit c'est juste des potes. Qu'il n'y a rien d'intime, que je m'en fais pour rien. Y'a quelques tentatives, mais ça va jamais plus loin. Mais vite, je réalise que ma copine est malhonnête. Fou tout ce qu'on découvre grâce à des photos sur le net. En fait t'étais la fille la plus fourrée de tout Panama. Moi j'ai failli t'écrire une chanson pour te déclarer ma flamme. Plus jamais. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch, bitch, bitch. J'étais amoureux de Hawa, sa beauté me maltraite. Elle a foutu le dawa dans mon cœur et ma tête. Même si le temps est compté, un jour elle sera ma femme. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais encore à la fac. Le problème c'est qu'Hawa n'aime que le luxe et le brillant. Comment lui offrir la lune avec un job d'étudiant? Elle cherche à débaucher un gars qui a la cote. Et comme j'étais fauché, elle a claqué la porte. Mais des années après, le succès mon rap se vend. La miss me rappelle pour attraper le bon vieux temps. Elle rêve que l'on roule en Benz Mercedes. À qui t'iras donner ton boule quand je retomberai dans la dèche? Donc plus jamais. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch. Bitch, bitch. J'étais amoureux de Nadia, notre histoire était ainsi. Fallait que je m'adapte au respect de ses principes. Et elle m'a mis d'accord dès le démarrage. Elle veut préserver son corps jusqu'au jour de son mariage. Moi ça me dérange pas de partager sa morale, mais ma chérie prend du poids d'une manière anormale. En fait un autre mec avait laissé son empreinte. J'ai appris par sa mère que ma vierge était enceinte. Y'a pas eu d'en revoir, on s'est quitté sur cette erreur. Si elle entend ma voix, je lui souhaite le meilleur. L'amour n'est pas une feinte, voilà où ça t'amène. T'as voulu faire la sainte, tu t'es menti à toi-même. Donc plus jamais. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais. Souhaitez-moi tout l'amour du monde, mais priez pour que jamais je ne retombe sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais sur une bitch. Bitch, bitch. Plus jamais. Oui, Soufa, bonjour, c'est Amélie. Je voulais venir prendre de tes nouvelles. Je sais bien ce qui s'est passé entre nous. Bon, c'est un peu dommage tout ça, mais en tout cas, si jamais un jour tu décides de me rappeler, ça me fera toujours plaisir. Allô, salut Youssoupha, c'est Awa. Bon, tout le monde me parle de toi en ce moment, donc ça me fait bizarre. J'aurais bien aimé te revoir, donc si tu reçois mon message, essaye de me rappeler. Bisous. Oui, Youssoupha, c'est Nadia. Écoute, je pense que tu t'attends pas à cet appel. Mais voilà, je préférais quand même t'appeler pour te le dire. Je suis désolée d'avoir fui comme ça, mais comprends-moi, la situation était assez compliquée. Déjà entre nous c'était pas trop ça, donc je préférais pas en rajouter. En tout cas voilà, sache que je tiens à m'excuser et n'hésite pas à me rappeler.